peu importe ce qui se passe, peu importe. Tu sais qu'on reste au-dessus des lois. Roméo Elvis. Yo, je rappe pour ma future Omega. Pour l'instant, je taffe en Alfa Romeo. Elvis est la fils, l'artiste de BX qu'on surnomme le découpeur. T'entends des cris sanglants, puis tu sens des frissons quand ça passe dans les écouteurs. Les filles s'en vont normal, on a déjà fait le taf. Elles savent qu'elles doivent laisser les hommes gérer les ferza. On va faire ça bien, chacun sa part, on se serre la main. Vouloir nous baiser ne sert à rien, les caractères malins, nos arrières sont assurés. Vas-y, entasse de blé, on se casse au blé blindé. Comment fait-elle la douane trop facile? Les sécheurs ont bourré, les couturières sont agiles. Et ce talent d'Achille, c'est facile. Ce mec n'arrête pas d'ouvrir, futur cadavre que les cons devant des couvrir, recouvrir avec un drap blanc. Le sang maquille souvent l'odeur de l'argent. Tu sais, le talent ne tombe pas du ciel. J'ai pris des ailes comme un ange. Je vole dans un nuage de fumée blanche. Demoiselle, c'est la première danse, mais ta dernière chance. Alors dis-moi à quoi tu penses. De toute façon, je finis avec un canon dans mon salon. Viens dans mon salon. Dans mon salon, dans mon salon. Rejoins-nous dans la discussion. Viens dans mon salon. Silence règne, je demande où est le son. C'est ton souci, on va la bouffer toute cette merde. Cette bande où est le son. Je me sens nu sans drogue, mais j'ai rien à cacher. Il est trop gros pour qu'on puisse le faire. Je m'appelle Roméo, je suis un type attachant. Elle voudrait tout être prisonnière, mais c'est impossible. Impossible, je suis un mec fidèle, je suis un imbécile. Ça fonctionne encore, je sais pas pourquoi. C'est comme le succès du groupe Indochine. Anakin avait le mal en faiblesse. Moi je suis un Jedi sans pression. Les fanatiques ont saturé la GML. Avec beaucoup d'amour et trop de questions. Armoire pleine d'avoir des gros. Je fais ça sans les problèmes. Je passe l'été dans les festivals. L'hiver sur un jet ski. Le printemps dans un bordel. Ils veulent connaître mes positions. Mais c'est pas un speed date, c'est du rap de branleur. Chaque fois je parle, je fends le cœur. Ma technique est large et les ennemis tremblent. Ah, nouvelle bédo dans le sondier. Ce soir tu ne vas plus me revoir. Car j'évite les gratteurs et les crevards. Tire de barre, je me barre direct sur le bar. Je brille comme un phare. Ou bien le soleil. Chaîne au nord sur le torse. C'est la force de l'apparence. Mais en vérité, j'ai même pas dosé pour un cocktail. Mon rêve, mais j'ai de la patience. Et je sais que je mérite les richesses de la vie. J'évite les risques de bien abéis. Les fiches frottent à mon pénis. Admire mes kicks, mon polo tennis. Comme un phénix, je renais de mes cendres, mon frère. J'étais tellement fumé que j'ai la peine de redescendre sur terre. Ça sort de l'ordinaire, j'ai deux choix. Soit c'est la corde au cou ou les meufs au corps de rêve. Une Porsche du sexe, une forteresse, des pour le sport. Mais les forces de l'ordre me stressent. God damn. Donc je sors le pack du pantalon et je profite que des bons moments. Viens avec nous te poser dans mon salon. Viens dans mon salon. Dans mon salon, dans mon salon. Rejoins-nous dans les manches de mon polo, porte les coutumes sénégalaises. Qui veut m'arrêter dans la danse, fait des pompes de la lutte dans le sabre. Porte la bouffe du Subway. Dans mon salon, c'est qualité avant quantité. Comment résister, le moral d'acier. TSOW vient te l'expliquer. T'envoûter sans douter à la quête meurée. Finis pas la beauté, je n'ai pas d'oseille. Un profond sommeil, oui, que Dieu m'aime. Car moi je l'aime, je n'ai pas de peine. Qu'on soit dans la merde alors que l'on m'observe. Concernant cela, je n'ai pas de problème. Switch le thème, le but de la vie c'est l'amour. Pourquoi trop de haine quand on fait tout pour partager la musique même aux sourds. Connexion du Galaï Tour 2017, on court toujours. On a la pêche, pas de flemme. Cache ton gun, c'est pas le bon exemple pour les jeunes. Y'a du monde où sont les youths. Pétons jusqu'au Team Boots. Au même, hustle players, aucun doute. Ça se passe dans mon salon. Yo, faites-moi une place sur le canapé, les gars. On va discuter. Oh, Viens, on va se poser. À l'aise, fais comme chez toi. Viens, rejoins-nous. Viens dans mon salon.